Eric Cadogasso, la mise en onde. Bonjour, amis auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro. Bienvenue à cette édition de la mi-journée. Devant, c'est d'abord les grands titres. Le ministre ayant la jeunesse dans ses attributions accorde 6 mois aux organes du Conseil national de la jeunesse nouvellement élu pour avoir mis en place la loi régissant cet organe des jeunes. Vous l'entendrez. Engourdi des lièvres endommagent les champs de haricots et d'autres cultures. Les agriculteurs souhaitent la chasse massive de ces animaux sauvages, mais l'Office burundais pour la protection de l'environnement au niveau provincial en Ngozi s'y oppose. Et dans la chronique sportive de ce lundi, comme à l'accoutumée, aujourd'hui, l'on va vous parler de l'arbitrage du Kung Fu. Voilà pour l'essentiel. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bonjour, je vous le disais en titre, les nouveaux organes du Conseil national de la jeunesse ont 6 mois pour avoir élaboré la loi régissant cet organe. Lors de la conférence de presse animée ce lundi, le ministre Ezekiel Nibigira ayant la jeunesse dans ses attributions a précisé que parmi les missions de ce conseil figure la mobilisation des jeunes au programme de l'éducation, à la paix et aux droits de l'homme civil. Dans le contexte actuel, où la jeunesse figure parmi les 6 grandes priorités du gouvernement burundais, le Conseil national de la jeunesse au Burundi a des missions principales, résumées en 5 points suivants. Mobiliser les jeunes autour des programmes d'éducation à la paix, au patriotisme et aux droits de la personne humaine. Assurer la représentation des jeunes dans les instances de décision et les missions internationales. Coordonner l'ensemble des projets et des activités de la jeunesse burundaise. Promouvoir les activités génératrices de revenus en faveur de la jeunesse. Encourager et promouvoir la création et le développement des associations et mouvements coopératifs des jeunes. Le ministère des Affaires de la Communauté Est-Africaine, de la Jeunesse, des Sports et de la Culture s'engage à accompagner les nouveaux organes du Conseil national de la jeunesse au Burundi dans le processus de mise en place d'un cadre légal du Conseil national de la jeunesse et dans un plus bref délai après l'entrée effective en fonction de ces organes en règlement d'ordre intérieur. Doit en plus des statuts être élaboré et cela dans un délai d'au moins de 6 mois. La mise en place du règlement d'ordre intérieur sera par ailleurs une opportunité pour eux de préciser clairement s'il y a besoin ou pas des commissariats entre autres pour un bon accomplissement des missions assignées au Conseil national de la jeunesse au Burundi. Le ministre Ezekiel Nibigira ayant la jeunesse dans ses attributions, dont les propos ont été recueillis par Omer Ndouwaï. Page de sécurité à présent, un certain Claude Ndaya Hande, alias Kimamara, âgé de 29 ans, a été retrouvé mort, tué à l'aide de la machette. C'était ce dimanche sur la colline Nyakivumu en commune Changuzo. Selon le chef de zone Changuzo, la victime a reçu des blessures au niveau de la tête aux environs de 19h. Christophe Nyamiye précise que cet homme tué est ressortissant de la colline Muterero de la commune Changuzo. Cet administratif zonal dit que les motifs de ce meurtre ne sont pas connus, mais que 3 personnes, un homme et 2 filles, ont été arrêtées pour question d'enquête. Il demande à la justice de punir sévèrement les coupables. Économie à présent, le Burundi pourra de nouveau emprunter de l'étranger lorsqu'il aura montré son engagement à utiliser de façon efficace et efficiente les dons reçus pour les projets de développement. Les explications du professeur d'université économiste Gilbert Nyongabo qui indique en outre que les dons sont enregistrés dans le budget général de l'État. Il rappelle qu'à une certaine période, le Burundi avait une dette énorme suite aux crises qui ont secoué le pays souverain. Dans la logique des choses, tous les dons, quel que soit le partenaire, devaient normalement être inscrits dans la loi de finances. Et ça permet d'avoir une traçabilité qui a aidé, ça a servi à quoi. Donc il y a quelque chose, un devoir de redevabilité. L'aide au développement, ça doit générer des revenus, ça doit être traçable, ça doit être. Il y a aussi une obligation de redevabilité. C'est-à-dire que je dois rendre compte. C'est comme si c'était dans le secteur privé, j'avais investi quelque chose et je dois rembourser. Même si on appelle aide, c'est un montant qu'on a investi et qui normalement, si le partenaire a accepté d'appeler ça aide, c'est parce que le pays a besoin et qu'il n'est pas capable de rembourser. Mais il faut savoir que normalement, on va dans la logique où on va aller à l'étape où peut-être quelques années plus tard, 5-10 ans, on va être capable quand même d'emprunter de nouveau. On était passé les années 90 à l'étape où on avait les prêts, mais les prêts ont généré, avec les crises que le Burundi a traversées, 93, jusqu'au cessez-le-feu, donc ça générait des intérêts tellement élevés que le Burundi n'était plus capable de rembourser la dette. Donc c'est pour ça qu'on fait dans la logique de l'aide, mais en fait il faut savoir qu'à un moment, avec les besoins de financement dont l'économie a besoin, les années, peut-être fin des années 2030, il faut savoir qu'à un moment, on va aller encore une fois peut-être dans des logiques de prêts. L'aide au développement, c'est pendant la période. On a besoin, on n'a pas des moyens pour rembourser. Et puis après, on va supposer qu'à un certain moment, avec peut-être la reconstruction, toutes les infrastructures qui sont actuellement amorties, donc on va dire que peut-être on va aller dans une étape où après avoir peut-être investi dans tout ce qui concerne l'infrastructure scolaire, hospitalière, tout ça, et qu'on va demain, on va peut-être laisser d'autres secteurs aller vers peut-être le prêt. Se basant sur les 5 derniers exercices budgétaires cette année 2021-2022, les dons se comptent à plus de 330 milliards de francs burundais alors qu'ils sont de plus de 325 milliards pour l'exercice 2020-2021. Ces dons comptabilisés dans les ressources de l'État sont chiffrés à plus de 373 milliards au cours de l'année 2019-2020. Alors qu'ils étaient de plus de 370 milliards les années 2018 et 2019. Au cours de l'exercice 2017, les dons dans le budget général de l'État étaient de plus de 360 milliards de francs burundais. Après une courte pause, parlons commerce. Isanganiro, la radio de l'avenir. À 13h02 dans les cieux de la radio Isanganiro, vous pouvez nous suivre via le www.isanganiro.org et cela en direct. Page commerce, comme je vous le disais tout à l'heure, certains agents de l'UMICASH et ECOCASH qui font la vente d'unités et de transferts électroniques d'argent au marché de Djabé en mairie de Bujumbura se plaignent de la taxe de 500 francs burundais par jour. Ils expliquent qu'ils paient 15 000 francs burundais par mois, alors que ceux qui ont des stands à l'intérieur du marché paient 10 000 francs mensuellement. Ils demandent que ces taxes soient supprimées. Le commissaire du marché, Patience Nzeimana, dit que cette somme est collectée par les percepteurs de la mairie de Bujumbura. Suivi. Ces 500 sont perçus par ceux qui sont chargés de percevoir. Oui, je suis au courant de la situation. Au marché de Djabé, on suit les instructions données par la hiérarchie au niveau de la mairie. Alors, que disent les instructions? C'est que là où on peut percevoir les recettes, ça veut dire je travaille dans un endroit quelconque, je fais un travail quelconque qui me donne des revenus, je dois contribuer au niveau du marché en ce qui concerne les recettes. Au niveau du marché de Djabé, d'ailleurs, on leur fait site, ils ne sont pas traumatisés, ils ne sont pas, on n'a pas refusé qu'ils fassent leur travail. On est appelé à percevoir les recettes chaque jour. Ailleurs, et ils sont souvent chassés parce qu'ils ne sont pas dans la légalité. Et au niveau du marché, nous n'avons pas le droit de chasser ces agents de MICA. De 500 francs, à la fin du mois, c'est 15 000. Et ils disent que dans le marché, une kiosque métallique, c'est 10 000 francs. Je pense que la faute est à eux. La faute est à eux parce qu'au marché de Djabé, il y a des places qui sont vides. Alors, pourquoi ils se baladent au niveau du marché, dans le marché ou derrière le marché, au lieu de chercher des places qui sont là? On ne demande rien pour qu'ils aient des places au niveau du marché et payent 10 000 francs comme les autres. Pourquoi ils veulent faire des combats, ils font des balades derrière alors qu'il y a des places dedans? C'est à eux toujours de faire le choix qu'ils entrent dedans et payent les 10 000 comme les autres. Mais s'ils préfèrent rester derrière, qu'ils acceptent les 500 jusqu'au jour où la mairie nous donnera des instructions peut-être de diminuer les 500 à 300 ou à 400, je ne sais pas. Le ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi demande aux anciens mandataires publics et politiques de faire leur pension complémentaire afin de pouvoir réussir leur reconversion professionnelle à la fin de leur mandat. Docteur Tadendikumana l'a dit au cours d'un atelier de 2 jours pour sensibiliser, les anciens mandataires politiques et publics et les jeunes en quête d'emploi de s'organiser pour créer eux-mêmes leurs emplois. Dans cet atelier de 2 jours qui se tient à Gitega, Tadendi Kouban a affirmé que cette politique de reconversion professionnelle pourra aider à diminuer la masse salariale au sein du ministère de la fonction publique. Et grogne des agriculteurs de certaines collines d'Ngozi suite au lièvre qui endommage des jeunes plants de haricots et autres cultures dans les champs. Ces cultivateurs tendent des pièges à ces lapins sauvages, mais souhaiteraient leur chasse massive pour plus d'efficacité. Le responsable de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, Prince Ngozi, informe les agriculteurs que la chasse est pour le moment interdite et les invite au respect de la loi. Apollinaire Mozagara. Parmi ces agriculteurs qui se lamentent figurent ceux de la colline Gakicheri, Chamugani et ailleurs. Des lapins sauvages mangent des feuilles d'eau, haricots, petits pois, soja et autres jusqu'à ne laisser que la tige dure. Ces cultivateurs essaient d'attraper ces lièvres à l'aide des pièges, mais cette lutte n'est pas selon eux efficace. Ils souhaiteraient passer par la chasse avec leurs chiens. Un moyen, d'après eux, très efficace. Le responsable provincial de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, Laurent Monet-Zero, indique que le braconnage est interdit actuellement par la loi. Oscar Bouchoumi, chef de colline Gakicheri, demande à sa population d'user toujours des pièges, éviter le recours à la chasse. Il les invite au respect de la loi pour éviter des éventuelles sanctions. Tongozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique sport. Chronique sportive de ce lundi, on vous parle du match de Kung Fu qui est arbitré par 6 personnes qui ont des fonctions différentes lors de la compétition. Yves Hirenganya, président de la Fédération burundaise de Kung Fu, fait savoir que ses arbitres donnent des points sur base des lois internationales régissant le Kung Fu. Les détails dans cette chronique sportive est signée Marie-Claire Cazeneta. Le match de Kung Fu est arbitré par différents arbitres, dirigé par un arbitre central qui prend la décision finale dans le cadre de la mésentente. Propos de Yves Nilenganya, président de la Fédération burundaise de Kung Fu. Il y a un arbitre qui est principal, qui tourne chaque fois qu'il suit des compétiteurs. Il y a aussi 4 autres qui s'assoient derrière. Donc il y a celui qui suit des moniteurs, qui suit en fait des airs. Est-ce qu'ils ont respecté le temps? Est-ce qu'ils ont suivi tout le règlement? Est-ce qu'il y a personne qui a sorti en fait à l'extérieur, il y a aussi les 3 autres au milieu qui donnent les points. Alors, quand il y a des mésententes entre ces arbitres, alors il y a un arbitre principal qui prend une décision finale. Oui. Ici, il explique comment le processus d'octroyer les points se déroule. Il y a des gestes qu'on fait. Et si quelqu'un te frappe un coup des poings, un coup des pieds, ça, en fait, c'est entre 2 ou 1 point. Si on te frappe dans la face, avec le pied, c'est 2 points. Mais si c'est avec le poing, c'est 1 point. Ou bien si quelqu'un te met à terre et qu'il reste debout, c'est 2 points. Ou bien si vous tombez vous deux, alors que c'est toi qui as commencé à lui mettre à terre, donc tu as gagné seulement 1 point. Donc c'est entre 1 point et 2 points qu'on donne aux compétiteurs. Ce président de la Fédération burundaise de Kung Fu fait savoir que ses arbitres donnent des points sur base des lois internationales régissant le sport de Kung Fu. Il y a un livre de 17-18 pages qui est mise à jour à chaque année, qui est internationale, en fait, qui combine tous les règlements internationaux. On se réfère à ce livre et on suit le règlement. Yves Nirenganya indique que généralement, les arbitres burundais de Kung Fu affichent un bon comportement du fait qu'ils sont appelés plus souvent à arbitrer les compétitions régionales de Kung Fu. Marie-Claire Cazenez, et ben voilà, c'est par cette chronique sportive que nous mettons point final à cette édition de la mi-journée. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à Eli Kadogo qui l'a mise en onde, Eli Nibel Nibigra, j'étais à sa présentation. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Au revoir.